Je t'aime quand tu te réveilles. Je t'aime aussi quand tu dors. Je t'aimerais même quand tu seras vieille. Même si tu ronfles trop fort. Je t'aime au petit déjeuner. Je t'aime aussi en pique-nique. S'il y avait rien à manger, eh ben je t'aimerais même squelettique. Je t'aime quand tu m'exaspères. Et même quand j'en ai pas l'air. Je t'aime en été, je t'aime en hiver. Je t'aime nué en pullover. Je t'aime au printemps, je t'aime en automne. Jamais le temps n'est monotone. Je t'aime quand tu te maquilles. Je t'aime aussi naturel. Je t'aimerais même en guenille. Je t'aimerais même dans une poubelle. Oh, je t'aime avec le sourire. Je t'aime aussi quand tu pleures. Je t'aimerais même par plaisir. Pas de cœur. Je t'aime quand je désespère. Et même quand j'en ai pas l'air. Je t'aime en été, je t'aime en hiver. Je t'aime nué en pullover. Oh, je t'aime au printemps, je t'aime en automne. Jamais le temps n'est monotone. Je t'aime en été et je t'aime en hiver. Oh, je t'aime nu et je t'aime éclair. Pape, je t'aime au printemps, je t'aime en automne. Je t'aime tant que ça m'étonne. Je t'aimerais même sans raison. J'aimerais même si j'avais tort. Je t'aimerais même sans illusion. Je t'aimerais même quand je serais mort. Mort, mort.